Un melon amer. Il était une fois un roi juste et puissant qui avait su gagner la loyauté de tout son peuple, grand et petit. À sa cour se trouvaient les individus les plus expérimentés du royaume. Pourtant, son favori était un serviteur qui le servait de façon désintéressée depuis de nombreuses années. Les autres membres de la cour enviaient cet homme humble et saisissaient toute occasion pour tenter de persuader le roi que son dévouement n'était pas sincère. Mais le roi connaissait trop bien son serviteur pour ne serait-ce que douter de lui. Un jour, alors que le roi organisait une grande fête, il fit venir à lui son fidèle serviteur et lui offrit une tranche d'un melon qui semblait délicieux. Le serviteur la mangea avec plaisir. Le roi lui en offrit une autre et une autre encore, jusqu'à ce que la quasi-totalité du melon ait été engloutie. Voyant le plaisir avec lequel le serviteur mangeait le melon, le roi décida de le goûter. Il le trouva amer et déplaisant. Les yeux écarquillés de surprise, il demanda « Mais c'est très amer, comment peux-tu le manger avec autant de joie ?»« Vous avez apporté tellement de bienfaits à votre royaume, grâce à votre sens de la justice et à votre compassion, répondit le serviteur, que j'ai pensé qu'il ne valait pas la peine de se rebiffer pour un melon amer. Toute ma vie, je n'ai reçu de vous que des choses sucrées, et maintenant que vous me donnez quelque chose d'amer, dois-je la refuser ?» De vos mains, quelque chose amer devient sucré. C'était une fois de plus la preuve que la sincérité du serviteur ne pouvait être remise en cause. Nous recevons continuellement les bénédictions de Dieu, mais la vie ne nous offre pas que des douceurs. Nous devons avoir notre part de peine et de chagrin afin de nous développer et de nous rapprocher de lui. Nous rappeler avec gratitude nos moments de joie nous aide à éviter l'amertume en temps de difficultés.